l'œil de Judas. L'œil de Judas. Orbite. Crequera, El padre de la noche, Vesky Pecci, J'ai quitté le cocon familial pour les femmes, la drogue, le sexe, la vitesse. J'ai vu l'argent facile, les moments difficiles. Comportement hostile envers qui veut me rendre docile. J'ai quitté les jupes de ma mère pour faire que de la merde. Rien, nada, bienvenue dans mon paradis, le pire des enfers. Y'a rien dans l'œil de Judas. J'ai vu une femme et un mytho. Un ennemi, c'est un ami de trop. Ta soi-disant vie de brave, on s'en tape grave. Les rappeurs ont peur, ce sont des délateurs. Je veux une loge individuelle, dites-le aux organisateurs. Ok, département en crise, vide à l'octave et crazy. On plaidera pas la folie, la furie et la foi. La folie et la joie, des femmes chaudes comme le feu. Des génies de fou qui te sortent tout ce que tu veux. Département en crise, vide à l'octave et crazy. On plaidera pas la folie, la furie et la foi. La folie et la joie, des femmes chaudes comme le feu. Des génies de fou qui te sortent tout ce que tu veux. Dans l'œil de Judas, tu ne me vois pas, y'a pas d'hasard. Grenadier dans la cabine, non, j'te donnerai pas ma barge. Juste une aparté, la jalousie va détourner. Tu nous guettes dans le Judas, mais les vrais soutiennent les vrais. Ils nous traitent de pire espèce, à l'affût d'un faux pas. Ils nous traitent de brute épaisse, ça va finir en guérilla. Mon flow rassemble les troupes, à la vitesse d'un coup de chlasse. Non, faut pas que tu doutes, ici ça se pue jusqu'à la dernière goutte. Première, dernière, fois que j'te fais confiance. Les choses se passent à fond et toi tu penses qu'à la défonce. Dans l'œil du Judas, j'ai vu des amis à moi, des amis à toi, des frères si à moi, des sacrés lobsa. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise à part ton blast, tu le connais déjà. Dans l'œil du Judas, ça fait du dégât. Fais-moi un féca, pendant que je t'écoute l'instru comme baka. Où ton fameux, j'allume mon joint de seum. Département en crise, vide à l'octave et crazy. On plaidera pas la folie, la furie et la foi. La folie et la joie, des femmes chaudes comme le feu. Des génies de fou qui te sortent tout ce que tu veux. Département en crise, vide à l'octave et crazy. On plaidera pas la folie, la furie et la foi. La folie et la joie, des femmes chaudes comme le feu. Des génies de fou qui te sortent tout ce que tu veux. Janvier de 013, maison d'arrêt de lit en cours. Les poules se font enculer quand y'a plus de coq dans la basse-cour. J'ai enfanté le diable, maintenant je me retrouve au Hebs. Dans ma tête y'a que ma fille, ma famille et au BBS. Numéro d'écrou, 96-0. Wallahi bilaï, dès que sort d'ici je leur trouve la peau. Je baise la justice, prends trop ma race pour des chiens. T'es mal le bi, ils ont tes jeux dans limousine. Et pour souffrir niggas, on posera jamais genoux à terre. Mandat El Bad, et pas chousser ou éribataire. La prison nous brise pas, elle renforce nos convictions. Franck et juge, nous allumeront tranquillement à la maison. Bastos dans la tête, à tous ces fils de flicaillons. Bastos en l'air, pour tous mes frères en détention. Mandat d'amener, mandat dépôt ou mandat cash. Y'a ceux qui pensent à nous, ceux qui pleurent pour nous, et y'a des péages. Département en crise,